Chapitre 6. Son portrait en pied. Il prit en cet endroit un ton plus décidé. « Tu es convaincu, toi, fit-il, que nous naissons avec le sentiment du bien et du mal, qu'il est un dieu, une providence. Tu es la proie, en un mot, de toutes ces inepties hyperphysiques à l'aide desquelles on exploite les niais. Que ne puisse t'arracher de désastreuses illusions et te soustraire du nombre des dupes. Regarde-moi. C'est ma jouissance et mon orgueil. Outre que je suis une négation vivante, agissante et prospère de ses croyances et de ses préjugés. Fut-il jamais exemple plus éclatant du triomphe de l'ignominie habile sur ce qu'on appelle honnêteté, droiture, vertu ? Il s'arrêta d'un air interrogeant et continua bientôt avec une animation croissante. « Tu m'as dit quelquefois que j'étais meilleur que je ne me faisais. C'est me connaître mal. Je ne suis pas un fanfaron de vice, non, certes. Mais aussi peux-tu me croire quand j'affirme que, si mauvaise que soit ma réputation, je vaux encore mille fois moins qu'elle. En passant la revue de tous ces actes qualifiés crimes par les hommes, je serais en peine d'en trouver un que je n'ai pas commis. Mon orgueil et mon égoïsme sont sans bornes. Je sacrifierais à l'occasion le monde entier à la moindre de mes fantaisies. J'ai été beaucoup aimé, et je n'ai jamais aimé personne. Pendant nombre d'années, je n'ai vécu que de dettes. J'en faisais d'autant plus volontiers que je ne pensais pas pouvoir les payer jamais. J'ai puisé sans scrupule dans la bourse de mes amis, et je ne puis pas dire que je me sois jamais employé efficacement pour aucun d'eux. J'ai fait plus, je les ai diffamés dès qu'ils ne pouvaient plus ou ne voulaient plus me rendre service. Enfin, non content d'exploiter, de duper sciemment tous les gens que j'ai trouvés sur mon chemin, je me suis complu dans les plus ignobles débauches. Je me suis roulé complaisamment dans la fange. Je n'ai pas même reculé devant la famille de vivre aux dépens de plusieurs femmes. En cet instant, sous l'empire d'une exaltation, à chaque instant plus vive, il se leva et arpenta son cabinet à grands pas. « L'idée de Dieu, poursuivit-il, n'a pas une seule fois été émise devant moi, que je n'ai sur le champ proféré un blasphème. Je l'ai maudit, défié. Ce Dieu j'eusse voulu croire à son existence, afin d'être convaincu qu'il entendait ses blasphèmes et ses provocations. » J'ai souhaité de revenir au temps où l'on vendait son homme. Regarde-moi. » Debout devant Max, les bras croisés sur la poitrine, le visage livide, les traits contractés, l'impudence sur le front, Clément faisait peur à voir. Il ajouta : « Moi, pétri d'iniquité, gâté jusqu'à la moelle, chargé de souillures, moi dont chaque molécule est un vice, moi plus criminel que pas un de ceux qu'on livre au bourreau et qu'on jette dans les prisons, il m'a suffi de prendre un rôle ignoble, de simuler des sentiments que j'exècre, de consentir à être plus infâme que je n'étais, pour passer de la misère à l'aisance, pour conquérir la sécurité, pour être heureux. » Destroy exprimait des doutes en branlant la tête d'un air plein de tristesse. « Je pourrais être soumis aux douleurs physiques, dit encore Clément. Quant aux douleurs morales, je n'en veux point avoir, et je n'en aurai point. Je serai heureux, moi, le plus indigne des hommes au point de vue social, pendant que toi, pauvre Maximilien, aussi honnête que je le suis peu, tu vis et vivras misérable, déchiré de mille supplices, humilié, insulté et calomnié par des gens de mon espèce. » Ce qui était contradictoire, il disait « je serai heureux », de la manière dont on dit « ah, que je souffre ». Max ne lui en fit pas moins remarquer que son bonheur d'aujourd'hui, fût-il réel et profond, ne lui permettait d'aucune façon de préjuger celui de l'avenir. « Ce que je tiens, s'écria Clément, il n'est pas de puissance humaine qui puisse faire que je m'en dessaisisse. Quant aux idées qui prétendraient me troubler intérieurement, j'en connais trop bien la source artificielle, pour manquer jamais de la force de les fouler aux pieds. Craindrais-je les hommes? Rien n'est plus facile que de leur en imposer. Je mentirais effrontément en leur présence, je me montrerais à eux tel qu'ils veulent que je sois, et j'aurais leur considération. Es-tu donc aussi assuré contre la puissance de vivre avec toi-même? Demanda Destroy. Après, fit Clément, je serai toujours le maître de mettre un terme à une vie insupportable. Las de jouissance ou d'ennui, j'embrasserai la mort, je me plongerai dans le néant, je m'endormirai d'un sommeil éternel. Qu'en sais-tu, dit Max avec commisération. Un dieu ne saurait être, répliqua Clément d'un ton de véhémence, indicible. D'où sortirait-il? Pourquoi serait-il plutôt dieu que moi? D'ailleurs, ce dieu qui connaîtrait le passé et l'avenir, qui embrasserait absolument toute chose d'un coup d'œil, pour lequel il ne saurait y avoir ni joie, ni peine, ni imprévu, serait saisi d'un ennui incommensurable, et mourrait de son éternité même. Destroy, qui savait par cœur ces tristes arguments, ne connaissait rien de plus affligeant que de discuter avec des hommes capables de s'y arrêter. Ils traitent de vision, disait-il, tous les élans de l'homme, et soumettent leur esprit au joug du plus vulgaire bon sens. Ils ont bientôt fait de trouver qu'il n'y a rien en dehors d'eux, que ce qu'ils ne conçoivent pas ne saurait exister, que partant l'inconnu leur est égal. De ne croire enfin qu'à ce qu'ils touchent et de s'écrier « Dieu n'est pas », parce que dans l'étroitesse de leur cerveau, ils ne sauraient concevoir comment il peut être. « La douleur me fera nier éternellement Dieu », s'écria Clément au paroxysme de l'exaltation. « Je te le déclare, je ne serai condamné qu'à souffrir 15 jours d'un petit caillou dans mon soulier, que je dirais opiniâtrement « Non, il n'est pas ». »« Je ne saisis pas le rapport, » dit Max. « En quoi la douleur implique-t-elle la non-existence d'un Dieu ? C'est parler comme une arrangère. Si Dieu existait, souffrira-t-il cela ? La douleur existe, c'est un fait. Reste à savoir si essentiellement elle est un bien ou si elle est un mal. Pourquoi elle existe ? À quoi elle sert ? Quant à moi, je l'avoue, sans elle, je ne me rends compte de la possibilité d'aucune existence. Elle est la force de cohésion qui soude l'un à l'autre les atomes de la matière. Elle est le souffle, l'âme, la conservatrice, non pas seulement de tout ce qui vit, mais encore de tout ce qui végète. Sans elle, ces myriades de trompes capillaires, par où l'arbre aspire la sève, deviennent inertes et l'arbre périt. Sans elle, la fleur oublie de tourner son calice au vent, chargé de pollen, et se dessèche dans la stérilité. Son action sur nous est encore plus saisissante. Langue, art, science, industrie, elle est l'origine, la source de toutes les merveilles que l'homme doit aux hommes. Elle est l'aiguillon infatigable qui nous inquiète dans l'inaction et nous jette dans le chemin de la perfectibilité. Elle nous féconde, elle est la mère des grandes pensées et des grandes actions. Beaucoup de ceux qui sont grands parmi les hommes sont fils de la douleur, à ce point qu'on pourrait dire « Celui-là sera le plus grand parmi vous qui aura le plus souffert ». Aussi les gens de bonne volonté, qui pleins d'enthousiasme se sont levés avec l'ambition de soustraire l'homme à la douleur, outre qu'ils ont échoué devant l'impossible, me semble-t-il, si grand qu'ait été leur génie, avoir prouvé plus de sentiments que de pénétration. « C'est trop fort !» s'écria Clément avec une sorte de fureur. « Comment, tu t'estimes heureux de souffrir ? Comment un désir légitime, que tu ne peux contenter, te réjouit ? Comment les préventions ineptes sous lesquelles tu succombes te remplissent de joie ?» Le cheval qu'on éperonne, répliqua d'estroit, ou qu'on cingle avec un fouet, n'est pas heureux, mais il va plus vite. Combien de fois ne me suis-je pas écrié ? Ô mes amis, à force de me dédaigner, de ne me compter pour rien, de me juger à tort et à travers, vous me contraindrez à faire des chefs-d'œuvre. N'allons pas plus loin, fit Clément, hors de lui. Le sang bout dans mes veines. Je ne sais à quoi l'exaspération pourrait me porter. Si tu n'étais pas mon ami, je t'aurais déjà broyé dans mes mains. Comment veux-tu qu'en présence d'aussi révoltantes opinions, je ne crie pas de toutes mes forces ? Je suis athée. Tu crois l'être ? Aurais-tu la prétention de voir plus clair en moi que moi-même ? Oui, certes. Car tu rappelles une lanterne sourde devant laquelle on a tiré le volet. Celui-là même, qui la porte, ne peut pas voir la lumière qui est dedans. Ma conviction est telle, continua Clément, que je suis prêt à en tirer toutes les conséquences possibles. Il n'est au monde de respectable et de désirable que l'argent. Il n'est d'obstacle que pour s'en procurer, que la loi qu'il faut défendre jusqu'au jour où l'on peut la violer impunément. Le reste n'est que préjugé. Oui, oui, je l'atteste. Demain, je pourrais sans encourir de peine prendre 1 million dans la caisse d'un banquier, que je le ferais sans balancer. Que ne mets-tu point tout de suite un meurtre à la place d'un vol ? Fit d'estroit, croyant lui causer de l'embarras. Clément hésita en effet, mais son audace eut promptement le dessus, avec une énergie sourde. Si un assassinat pouvait m'enrichir, dit-il, et que l'impunité me fût assurée, pourquoi ne le ferais-je pas ? Max, par ses gestes, marquait la plus profonde incrédulité. « Je m'obstine, dit-il avec l'accent de la conviction, à ne voir là que de monstrueuses fanfaronnades. On s'enivre avec des idées comme avec du vin, et tu es à ce degré d'ivresse où l'on ne se connaît plus. » « Tu tiens toujours à ce qu'il paraît, dit Clément, dont la chaleur de tête se tempéra tout à coup, pour redescendre à la glace, à ce que je sois moins mauvais que je ne le prétends. Garde ton illusion. Mon désir de te l'enlever ne va pas présentement, jusqu'à me commander des aveux plus complets. Sache seulement pour ta gouverne que mon scepticisme est d'autant plus inébranlable que mon repos en dépend, et que de ma seule volonté, tes plus solides preuves n'auront jamais à mes yeux même l'importance des bulles de savon. » L'estroit regarda Clément avec surprise. Il se défendit d'avoir voulu prouver quelque chose. Il était d'avis qu'en métaphysique, on ne prouve rien, ou mieux, qu'on prouve tout ce qu'on veut, le pour et le contre, avec une égale force, et que le simple sentiment remporte souvent sur 1000 preuves rationnelles. au lieu de discuter avec toi, ajouta-t-il, j'eusse mieux fait de me borner à une simple observation. Si notre penchant nous porte à mal faire, notre intérêt nous commande de bien agir. À un moment donné de notre vie, cela est infaillible. De la somme de nos actions découle pour nous une moyenne de joie ou de peine en rapport rigoureux avec la qualité de ces mêmes actions. Madame de Maintenon reconnaissait évidemment la vérité de cela quand elle disait « Il y a dans la droiture autant d'habileté que de vertu ».